le plus fou des deux, non ne viens pas me tester. Je te conseille d'ouvrir les yeux parce que stop j'en ai marre d'encaisser. Et si tu veux prendre la fuite, je te conseille de le faire tout de suite. Je ne suis pas une petite fille, tes menaces ne me font pas flipper. Je suis la fille de ma mère, tu vas payer pour ce que t'as fait. Oh tu verras qui t'a affaire, la vengeance chez moi se mange la serre. Je vais retourner la terre, toi et moi on fait plus la paire. Récupère toutes tes affaires, bye bye, retourne au vestiaire, allez. J'ai plus le time, j'ai plus le time, je ne suis pas ta madeleine. J'ai plus le time et je vais prendre tout mon temps pour te faire morfler. J'ai plus le time, j'ai plus le time, je ne suis pas ta madeleine. J'ai plus le time et je vais prendre tout mon temps pour te faire morfler. J'ai demandé un homme, moi, non pas un rigolo. Un homme, un vrai, moi, non pas un idiot. Je ne serai jamais plus titulaire, plus jamais dans ma compo. Ne t'avise plus jamais de revenir, moi, je te dis adieu. J'ai demandé un homme, moi, non pas un rigolo. Un homme, un vrai, moi, non pas un idiot. Je ne serai jamais plus titulaire, plus jamais dans ma compo. Plus jamais de revenir, moi je te dis adios. Pas la peine de crier mayday, plus personne pourra t'aider. Et quand le mal est fait, faut simplement l'assumer. Dis-moi t'es quel genre de type, tu fais du mal mais t'oublies vite. Je viendrai te rappeler tout ça au cas où tu deviens amnésique. Regarde-moi bien dans les yeux, tu as raison de te sentir visé. Ne viens pas tâter sur mon terrain mon garçon, tu vas glisser. Ne prends pas ton air hautain, avec moi jouer c'est trop risqué. Tu ne m'as jamais atteinte mais tu peux encore essayer. J'ai plus le time, j'ai plus le time, je ne suis pas ta madeleine. J'ai plus le time et je vais prendre tout mon temps pour te faire morfler. J'ai plus le time, j'ai plus le time, je ne suis pas ta madeleine. J'ai plus le time et je vais prendre tout mon temps pour te faire morfler. J'ai demandé un homme.